Seigneur. C'est le moment de louer l'Éternel, du nord, du sud, de l'est, à l'ouest. Élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, merci, vraiment merci, qui m'a fait rédempteur. Madman, be your Madman Jungle.